Bonsoir. 9 janvier 87, entrevue avec Bernard de Montréal sur la rive sud. Bonsoir, messieurs. Les dames aussi, ça viendra à votre tour. Perdez rien pour attendre. Comme c'est la première conférence sur la rive sud, ma première entrevue sur la rive sud, je pense qu'il serait bon pour commencer de faire un recensement, savoir qui est dans la salle. Y a-t-il parmi vous des intellectuels qui se prennent au sérieux? Un seul, c'est l'exception qui confirme la règle. Y a-t-il des mystiques qui se prennent au sérieux? Pas de moustique. Ah, un moustique. Y a-t-il des artistes qui prennent leurs émotions au sérieux? Il y en a un aussi pour confirmer la règle. Y a-t-il des féministes qui se prennent au sérieux? Le docteur Harbeck, qui lève la main. Y a-t-il des misogynes qui se prennent au sérieux dans l'auditoire? Il n'y en a pas trop. Ça fait qu'il y a donc de la place pour de l'humour. Et un peu de trivialité cordiale. Les fêtes sont terminées et on retourne au travail. Je vous ai jamais raconté quelle a été ma dernière expérience dans ce domaine-là. La dernière fois où j'ai travaillé de ma vie. À partir de laquelle j'ai décidé de devenir intervieweur, ou conférencier, ou curé, ou quelque chose. Enfin, quelqu'un qui ne travaille pas. Ou psychologue. Faut que je vous compte ça. C'était il y a 6 ans. Donc avant que je commence les entrevues, je travaillais dans la mode. Enfin, dans la mode, c'était... Je travaillais au shipping, aux expéditions. Fabrique de blue jeans, manufacture. Je portais des grosses caisses. Je déchargeais les camions, je rechargeais les camions. Puis au bout d'un an de cette expérience-là, j'étais voir mon patron pour lui demander une augmentation. Alors, j'ai frappé à sa porte, il m'a fait entrer. Et il m'a dit, Monsieur Payotte, qu'est-ce que c'est qui va pas? Ben, un juif marocain. J'ai dit, ben voilà, ça fait 1 an que je travaille chez vous, puis en dessous du salaire minimum, avec j'aimerais ça, avoir une augmentation, avoir au moins le salaire minimum. Alors, on m'a dit, bon, on va regarder votre dossier. Il a sorti ma fiche. Il dit, voilà, alors, ouais, c'est ça fait 1 an. Bon, il dit, il y a 365 jours dans une année, n'est-ce pas? Ben, je dis, oui, patron. Il dit, vous travaillez 8 heures par jour, c'est exact? C'est ça. Il dit, on peut donc dire que ça fait 122 jours de 24 heures. C'est correct? 122 jours de 24 heures, ça fait 365 jours de 8 heures. Je dis oui, c'est bien correct. Il dit, étant donné qu'il y a 52 dimanches dans une année, durant lesquels vous ne travaillez pas, il reste donc 70 jours de travail sur les 122. Moins 14 fêtes légales et 2 fêtes juives. Reste donc 54 jours de travail. Vous êtes tombé malade pendant 40 jours. Reste donc 14 jours de travail. Il dit, est-ce que je vous donne pas 2 semaines de vacances par année? Ben, je dis oui. Alors il dit, de quoi vous plaignez? Vous venez chercher une augmentation chez moi et vous n'avez même pas travaillé une seule journée pour moi. Là, ça a été final. C'est là que j'ai commencé à m'interroger sur la signification du travail, sa finalité, etc. Et pour ce faire, j'ai, comme mon habitude, j'ai consulté un dictionnaire. Alors, j'ai pris le mot travail pour en connaître l'essence, la signification. J'ai cherché, j'ai feuilleté dans le dictionnaire, hein, traquenard, traumatisme, travail. Écoutez bien ça, vous pourrez vérifier. Travail, état de celui qui souffre, qui est tourmenté, activité pénible. Ça confirmait mes soupçons. Exemple du dictionnaire. Les grands travaux que notre Seigneur a souffert. Fatigue, douleur. Douleur de l'enfantement. Situation d'une personne qui agit avec suite en vue d'obtenir un tel résultat. Ça ressemble beaucoup plus au masochisme ou au martyr qu'à la civilisation des loisirs. Par la suite, j'ai questionné le curé de ma paroisse. Lui, il m'a dit, ça prend pas un dictionnaire pour comprendre ça. Il dit, ça prend la Bible. Comme j'en avais pas, j'ai attendu Noël. Le Père Noël m'en a amené une. Elle est là. Et j'ai donc consulté la Bible comme le curé me l'avait indiqué, parce qu'il m'avait dit, consultez la Genèse au niveau du chapitre de la chute, de la désobéissance originelle. Alors voilà. Yahvé, Dieu, appela l'homme. Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. Yahvé Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Ouais, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a foutu le sida au facteur. Il n'y a pas personne qui est responsable. Alors Yahvé Dieu dit à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie, il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise, et que tu retourneras à la glaise. Puis là, il y a un petit renvoi en bas, qui est indiqué ici que le serpent sert ici de masque à un être hostile à Dieu et ennemi de l'homme, dans lequel la sagesse, puis le Nouveau Testament et toute la tradition chrétienne ont reconnu l'adversaire, le diable. En ce qui concerne la condamnation de Yahvé, un autre petit renvoi, la condamnation frappe les coupables dans leurs activités essentielles, la femme comme mère et épouse, l'homme comme travailleur. À cette déchéance de l'état primitif s'ajoute la mort et la perte de la familiarité divine. Ce sont là des peines héréditaires. J'ai continué mon enquête, je suis retourné à mon dictionnaire, chercher le mot hérédité, et je l'ai trouvé entre hémorroïde et hébraïque, avec un H. Hérédité, l'ensemble des caractères, des dispositions que l'on hérite de ses parents, de ses aïeux, le patrimoine héréditaire. Exemple, une lourde hérédité, une hérédité chargée, comportant des tares physiques ou mentales, atavisme, chromosome, gène. Et tout le monde sait que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Nous sommes donc victimes de notre patrimoine génétique, ou plutôt d'une désobéissance originelle, c'est-à-dire d'une déviation de notre programmation génétique, remontant à des milliers d'années. La question, c'est est-ce qu'on peut changer cet état de choses, opérer une mutation du patrimoine génétique? Et pour le savoir, je fais appel une fois de plus à l'homme qui ne cherche plus, et c'est parce qu'il ne cherche plus qu'il est un homme recherché, Monsieur Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, bonsoir. Pas trop épuisé par les vacances. C'en est un autre qui a compris